الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم. أما بعد، اليوم سندخل في الحديث 36. طيب، الحديث 36 qui est le 36e hadith, qui est un peu comme le contraire, l'opposé du hadith précédent qui lui évoquait les mérites et les bons caractères à avoir chez le musulman. Ou plutôt, à faute de contraire, qui étaient les mauvaises caractéristiques à éviter, comme le fait d'être injuste envers lui, de lui mentir, de le tromper, ainsi de suite. Et ce hadith-là, lui, vient comme un opposé pour à comprendre le message. Ne fais pas ça, mais fais cela. D'accord ? Ce qui n'était pas à faire, et maintenant ce qu'il y a à faire. Dans les droits du muslim. Donc il dit, قال l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, haddathana Yahya ibn Yahya al-Tamimi, wa Abu Bakr ibn Abi Shayba, wa Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani, wa Lawzu li Yahya, قال Yahya akhbarana, قال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمعكم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نصبه انفرد به مسلم. Donc il dit, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui soulage un croyant d'une peine parmi les peines de ce bas monde, Allah le soulagera une peine parmi les peines le jour du jugement, de la résurrection. Que celui qui facilite un débiteur, c'est-à-dire un endetté ou une personne dans le besoin, Allah lui facilitera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Que celui qui dissimule, c'est-à-dire qui cache les défauts de son frère, que Allah le cachera dans cette dunya et dans l'au-delà. Et Allah est dans l'aide du serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère. Ou plutôt autant que le serviteur est dans l'aide de son frère. Et que celui qui emprunte une voie dans laquelle il recherche la science, Allah lui facilitera une voie le menant au paradis. Et que des gens ne sont pas réunis dans une maison parmi les maisons d'Allah, dans lesquelles ils lisent le Coran et qu'ils l'étudient entre eux, sans que la quiétude ne descende sur eux, et que la miséricorde ne les recouvre, et qu'ils ne soient entourés par les anges, et que Allah les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et que celui dont les œuvres sont en retrait, Sauron ne le fera pas rattraper, c'est-à-dire ce que ses œuvres ont eu comme retard. Inch'Allah, ça va être expliqué dans les paroles du Shir. Et ce hadith a été rapporté par Muslim seulement. Donc il dit, « قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة » que celui qui soulage une peine d'un croyant. « مفهومه أن التنفيس عن الكافر » ليس فيه أجر وإنما ينفس عن مؤمن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا والتنفيس أخص من التفريج فالتفريج أعم معناه معناه أنه يكون ضيق النفس في بعض الهموم والغموم فينفس عنه بما يبعد عنه ذلك الغم فيتنفس كما يكون الإنسان مكذوما ثم يتنفس ويستريح أما التفريج فهو أوسع يذهب عنه الغم الذي كان عليه وهو وما هو مجرد تنفيس بل كشف عنه Ramnahu kullahu. Donc il dit que ce qui est à comprendre de ce hadith, c'est que celui qui soulage la récompense est pour celui qui soulage la peine d'un croyant, et non pas celle d'un kafir, d'un mécréant. Le mécréant, il n'y a pas de récompense à le soulager. Car le hadith stipule bien un croyant, et pas autre. Et les preuves, elles, qui se rapportent aux gens de façon générale, sont spécifiées par ce hadith, qui concerne les croyants. Ensuite, il dit, et le tanfis, c'est le fait de soulager, tanfis, on va dire, c'est la traduction la plus appropriée qu'on ait trouvée, tanfis est plus particulier que tafrij, tafrij qui serait plutôt délivré, hein, délivré, le sens délivré. Fal tafriju aam. Et donc le tafrij, la délivrance, est plus générale, plus globale. C'est-à-dire qu'elle englobe le mana, tout tafrij est tanfis et non pas le contraire. D'accord ? Toute délivrance est un soulagement, et ce n'est pas tout soulagement qui est une délivrance. Donc tafrij est plus général, est plus vaste comme sens. Mais en français, c'est vrai que c'est assez vague, hein, c'est assez, les sens sont assez proches. C'est plus en arabe que le sens apparaît, c'est plus en arabe. Ensuite, il dit Sawa o kanat hadil kurba fi dain, o kanat hadil kurba fi marad, anta a'antahu al ilaji. وكانت هذه الكربة في مصيبة أصابته وأنت تصليه أو كانت هذه الكربة في وضع مما عليه من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنذر معصرا أو وضع عنه أظله في ظله. Donc cela, qu'il s'agisse par exemple d'une dette ou qu'il s'agisse d'une maladie, ainsi de suite, et que toi tu l'aides par exemple à se soigner, ou que par exemple cette peine soit parmi un malheur qui l'aurait touché, et toi tu le consoles, par exemple, ou que celle-là pour une situation qu'il pourrait vivre par rapport à cette dette. Tanfis al-kurbat hatta bitabshir iza bashara insan wa khahu wa adkhala alayhi as-surur bushra sahiha ma yakdhibu alayhi. يؤجر على ذلك وقد استبق أبو بكر وعمر إلى تبشير ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى لما يعرفون من فضل التبشير فالمؤمن يعطف على أخيه إن رأى عنده كربة يحاول تنفيسها ومن لا يرحم لا يرحم الراحمون يرحمهم الرحمن كما في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حديث هشام ابن حكيم ابن حزام عن مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. Par exemple, également le fait de le soulager d'une peine en lui faisant une bonne annonce, en lui annonçant une bonne nouvelle. Le fait de rentrer la joie dans ton frère en lui annonçant une bonne nouvelle véridique, réelle, sans lui mentir, cela porte à être récompensé. Comme par exemple, cela est arrivé avec Abu Bakr et Omar, on l'avait déjà cité dans le hadith, lorsqu'ils sont venus annoncer la bonne nouvelle à Abu Mas'ud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé, demande, il te sera accordé, demande, il te sera accordé. Car ils savent le mérite de l'annonce de la bonne nouvelle. Hein, que le croyant est compatissant envers son frère, lorsqu'il voit de lui qu'il subit une peine. Il tente de l'en soulager. Car celui qui ne fait pas miséricorde, il ne le sera pas fait miséricorde. Et ceux, les miséricordieux, Ar-Rahman leur fera miséricorde. Faites miséricorde aux gens de la terre, celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Et dans le hadith de Hisham ibn Hakim ibn Hizam, rapporté par les mêmes musulmans, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah châtiera ceux qui châtient les gens en ce bas monde. Hatta ziyaratul akh yakunu wahidan mustaghriban muttahidan tunafis alayhi mimma yahsulu lahu min al-gham min qabil al-ahwa tunafis anhu mimma huwa fihi min al-wahid wa kadhalika al-marid idha 'adtahu fi maradihi yafrah bi dhalika wa 'arifu hadha al-fadl laka wa rubb insanin la yatubu illa fi halati marad fi halati maradihi ويعتبر هذا أيضا من تفريج عنه. Donc il dit également que le fait de par exemple d'aller rendre visite à un de tes frères qui est isolé, qui est persécuté, hein, de ce qu'il subit par exemple de la part des gens des passions. Un frère qui est seul dans une affaire où il est sur la vérité et personne ne le soutient par exemple, et qu'il est persécuté, tyrannisé par les gens des passions, qui subit de la justice. Toi, tu le visites, tu l'assistes, tu le soutiens, tu lui montres que tu es avec lui dans la vérité. Hein? Qu'il ne se sente pas seul. Qu'il ne ressente pas cette solitude d'abandon face au faux. Également le malade, tu le visites, hein? Cela le réjouit. Et qu'il reconnaîtra ce bien de ta part. Et il se peut même qu'une personne se repente, hein, dans la maladie, lors de la maladie. Donc cela est considéré également comme un soulagement pour lui. Que celui qui facilite un débiteur ou une personne endettée ou dans le besoin, que Allah lui facilitera dans cette dunya et dans l'au-delà. يَسَّرَ عَلَى مُحْسِرٍ سَوَاهُ بِزَوَاجٍ أَوْ مُحْسِرٍ فِي الدَّيْنِ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ لا يجوز التضييق على المعسرين والتوسيع عليه من أفضل الكروبات إنما مطالبة المتمرد لحديث مطل غني ظلم أما المعسر فلا يجوز التضييق عليه. Qu'il dit que celui qui facilite à une personne dans le besoin, un endetté, un débiteur ou autre, qu'il s'agisse par exemple de mariage à célibataire qui a besoin de se marier, que tu l'aides à se marier, ou un endetté, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et celui qui est dans la gêne, accordez-lui donc un sursis. Et qu'il n'est pas permis de lui mettre la pression. Hein, de mettre la pression sur l'endetté. Plutôt, il faut lui faciliter les choses. Et que cela est parmi les meilleurs actes de rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, on réclame la dette auprès d'une personne, par exemple, tu vois, qui est rebelle, qui a les moyens mais qui joue. Un endetté, par exemple, il a une dette envers toi. Il a les moyens de te rembourser, mais à chaque fois, il te dit demain, demain, demain. Mais il a l'argent. Lui, d'accord, tu réclames. Mais une personne qui est dans la difficulté, qui t'a emprunté de l'argent ou autre chose, et qui n'est pas en mesure de rembourser, mais qui le voudrait, mais ne peut pas, lui, facilite-lui, inchallah, la tâche. Pour le hadith qui est que celui qui tarde sur le riche l'aura certes lésé. Ou plutôt, celui qui est en mesure de rembourser qui tarde aura certes lésé. Il aurait été injuste. Quant à l'endetté, celui qui est dans le besoin, il n'est pas permis. Pas permis, c'est même pas macro, c'est pas permis, hein, de lui compliquer la situation. Patience sur lui et laisse-lui un sursis. Et l'autre chose à faire, c'est également lui effacer cette dette. Si tu es en mesure de le faire, alors fais-le. Une personne qui t'a emprunté de l'argent ou autre, qui n'est pas en mesure de rembourser, mais qui a la réelle intention de le faire, alors parmi les meilleures choses que tu puisses faire également, c'est lui pardonner cette dette. Et ça, c'est un grand acte de générosité. Et que pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même te soulagera, yawm al-qiyamah, ou plutôt dans cette dunya, si tu as soulagé un frère, Allah subhanahu wa ta'ala te soulagera toi aussi. Ne pas oublier, al-irtisam, hein, que cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il s'agit quoi? On parle d'une personne qui s'est endettée pour une chose dont elle est dans le besoin. Mais quant au salaire d'un travailleur, ça c'est autre chose. Par exemple, un frère a travaillé pour toi, vous avez convenu un accord entre vous, il a fait son travail et toi tu ne le payes pas, ça c'est autre chose. Ça c'est un droit qu'il a sur toi d'un travail qu'il a accompli. Mais une dette c'est autre chose. Parce qu'une dette c'est d'accord à un accord. Mais un travail, l'employé, celui qui a travaillé pour toi, son salaire tu lui dois car lui-même est dans le besoin. Lui-même est dans le besoin. Qu'oluhu, wa man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Que celui qui couvre un muslim, qu'Allah le couvrira, c'est-à-dire le dissimule, le cache ses fautes, Allah le dissimulera en ce bas monde et dans l'au-delà. Ma akthara dhunubana. Qu'al ba'd as-salaf, law kana lidhunubi raiha, ma satara ahadun an yajlisa ila janibi. An yajlisa ila janibi. Donc, comme nos péchés sont nombreux, et que l'un des salafs avait dit même, ou si jamais les péchés avaient une odeur, personne ne serait ne pourrait supporter le fait de s'asseoir à côté de moi. Wa laula satrullahi ala al-ibad. Si cela n'avait été que Allah, hein, couvre ses serviteurs. Wa laula fadlullah alaykum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin. Abada. Que ce n'avait été la grâce d'Allah et sa miséricorde sur vous qu'il n'aurait purifié aucun d'entre vous. Nas'alallah al-afiya. Nous demandons à Allah la prémunité. Man hatakallahu sitra fudih. Que celui à qui Allah lève le voile, celui-là aurait été dévoilé, on va dire. Hein? Celui que Allah ne couvre plus, il sera dévoilé. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tatabbi'u awrat al-muslimin wa la tu'iruhum fa inna man tatabba'a awrat al-muslimin tatabba'a Allahu awratahu fa yafdahu walau fi juf rihli. Donc dans le hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne suivez pas les défauts des musulmans et ne les espionnez pas. Et que celui qui suit les défauts de son frère, d'un musulman, que Allah fera découvrir ses propres défauts et le dévoilera dans sa propre maison. Dans sa propre maison, il fait ressortir ce qui se passe chez lui. Diyam al-Hadithi Ibn Omar wa Jama'a wa wa fil Sahih al-Musnad. ومن تتبع عورة المسلمين التجسس عليهم والله عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إما تجسس في عهد أما تجسس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار أما هؤلاء يتتبعون عثرات المسلمين وعورات المسلمين. Donc il dit que celui qui scrute, qui guette les musulmans en les espionnant par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns sur les autres. Quant à ce qui avait lieu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme espionnage, cela avait lieu sur les koufars, que les muslimines surveillaient les koufars par rapport aux actes pour ne pas que cela se retourne contre eux. Et cela est une chose légiférée. Mais entre les muslimines entre eux, cela n'est pas permis. Hein? L'espionnage des muslimines entre eux n'est pas permis. De l'Altanbi et des gens, par exemple, qui travaillent pour les RG, ce genre de choses, qui restent mieux de leurs frères, pour donner des informations. Cela n'est pas permis pour les koufars. Cela n'est pas permis. Et cela est un grand péché. Des comme ça qui, pour un billet, travaille pour les RG, il vient que ça bat son kamis, c'est un musulman, mais il vient pour guetter, dire un tel c'est un tel, un tel c'est un tel, un tel est vilain, un tel fait ça. Et il donne toutes les informations aux RG, aux renseignements généraux. Des koufars. Voilà, Ouzbillah. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة ومسألة الستر جانب ومسألة الكشف عن أهل الباطل وبين سبيل المجرمين وأهل الأهواء جانب آخر هذا حث النبي هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ستر فيه ما فيه ستر وحث في الأدلة أخرى على بين سبيل أهل الباطل فتضع الأدلة في مواضعها. Donc il dit que le fait de cacher le défaut de son frère, cela est une chose. Mais quant au fait de dévoiler les gens du Baratil, hein, et les criminels, et les gens des passions, cela est autre chose. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a incité ici à cacher les défauts de ce qui doit être caché. Tout comme d'un autre côté, il l'a incité à dévoiler les erreurs des gens du faux. Donc chaque preuve doit être mise à sa place. Ne pas prendre tout dans l'absolu ou tout rejeter dans l'absolu. Chacun doit être mis à sa place. Et les défauts, par exemple, à cacher, cela concerne, par exemple, un musulman qui aurait commis des péchés et que ces péchés ne nuisent qu'à lui et qu'ils aient lieu qu'en intimité entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, un frère viendrait à écouter de la musique, par exemple. Il se cache. Il sait que c'est interdit, mais chez lui, il a encore du mal à s'en passer. Et chez lui, ou dans son portable ou autre, il écoute de la musique. Et toi, un jour, tu le découvres. Tant que ce frère-là garde ça en lui, toi, conseille-le. Hein, rappelle-lui Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le dévoile pas. Tant que c'est un frère sur le bien, qui avance et qui ne nuit pas aux autres, son péché ne nuit pas aux autres, ne nuit qu'à lui-même, cache-le. D'accord ? Et conseille-le entre toi et lui, en privé. Par contre, celui qui nuit aux autres, dont le mal, hein, apporte des dommages sur les gens, lui, il faut le dévoiler. Que ce soit par la bid'a, que ce soit par la perversion, que ce soit par beaucoup de choses, lui, il faut le dévoiler. À partir du moment où son mal touche les gens, qu'il amène le désordre et le façade, lui, il faut le dévoiler. Et chacun en mesure de de son mal. قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Et sa parole, que Allah est l'aide du serviteur autant que le serviteur aide son frère. إن من أفضل ما يعان عليه الناس والآن وينصر الله الناس رفع الجهل عنهم ورفع البدع عنهم ورفع التحزب عنهم ورفع الفتن عنهم بعضهم ما عرف أضرارها فالسني يتكلم رحمة بالعامة الذين غشوا وخدعوا وهم يتنكرون له ويقدحون فيه ويحثهم على طلب العلم ورحمة بهم معنى الله يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ويقول وذكر إنما أنت مذكر وهكذا يحثهم على التمسك بالسنة ورحمة بهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc il dit parmi les plus grandes choses par lesquelles on puisse aider les gens et leur apporter secours, c'est le fait d'ôter l'ignorance qui est en eux, d'ôter les innovations qui sont en eux, d'ôter la SBA qui peut se trouver en eux, ou de les éloigner des fitan, des troubles. Beaucoup ne connaissent pas les conséquences. Par exemple, le sunni ne parle sur les gens du faux que par miséricorde pour les gens de la masse. Ceux qui ont été trompés, ceux qui ont été dupés. Malgré cela, des gens ne le reconnaissent pas, cette grâce, ce mérite. Hein? Et eux-mêmes le critiquent, en disant qu'ils parlent sur tout le monde, par exemple. Et également, ils incitent à rechercher la science, par miséricorde pour eux. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens, et ne sois pas attristé, ne sois pas pris de regret. Hein? Ne sois pas pris de regret pour ce qu'ils ont accompli ou du fait qu'ils n'aient pas écouté. Et il dit dans le sens, il rappelle, car il ne tient qu'à toi que le rappel. Et également, il les incite à s'accrocher à la sunna, par miséricorde pour eux. Et qu'il a été décrit, que le Allah subhanahu wa ta'ala décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant, dans le sens, pardonneur et miséricordieux envers les croyants. Bil mu'minina raoufun rahim. ولنا فيه أسوة حسنة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إذا إن علمت وفقهت ودعوت إلى الله أو بصرت بالسنة وعنته حتى في حمله على دابته ترفع عليها أو ترفع له متاعه عليها أو تدله على الطريق أو توجهه على ما ينفعه في الدنيا أو الدين فالله في عونك بحسب ما أعنته به. Donc il dit par exemple, nous avons certes un bon exemple en cela. Que Allah est dans l'aide du serviteur tant que celui-ci aide son frère. Que si tu lui enseignes, que tu lui apprends, tu lui fais comprendre, que tu appelles Allah et que tu rends clairvoyant sur la sunna et que tu l'aides, ne serait-ce que le fait de lui transporter ses affaires sur sa monture, sa voiture, et ainsi de suite, ou que tu lui indiques un chemin vers une chose bien, ou que tu lui donnes des directives sur des choses qui sont profitables dans son bas monde, dans ce bas monde, dans la religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te soutiendra. En mesure de ce que tu auras soutenu ton frère. En mesure de ce que tu auras soutenu ton frère. Et cela revient au hadith, hein, Ta'arafa Allah fil raha ya'rifuka fi shiddah. Le hadith d'Ibn Abbas qu'on a appris, que tu dois reconnaître Allah dans les moments de difficulté, que lui te connaîtra dans les moments d'aisance, de largesse. Ou plutôt, toi, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de largesse et d'aisance, qu'il se rappellera de toi dans les moments de difficulté. Il se rappellera de toi dans les moments de difficulté. Cela revient au même. Là, tu es ton frère dans les moments que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi pour cette aide que tu auras apportée à ton frère. Qu'ouluhu, wa man salaka tariqan yattamassu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Que celui qui emprunte une voie par laquelle il recherche une science, que Allah lui facilitera une voie le menant au paradis. وَذَا اللَّوْذُ يَشْمَلْ مَعْنَيَيْنِ. Que cette énonciation englobe deux sens. Elle englobe deux sens. الْمَعْنَى الْأَوَّلْ أَنَّهُ إِنْ سَلَكَ طَرِيكَ الْعِلْمِ وَجَدَّهْ فِي ذَلِكَ الطَّرِيكِ بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ فَإِنَّ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. قَالَ تَعَلَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال في حديث كرسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إذا علم الله صدقه من علي بالعلم، والعلم طريق الجنة. هذا أحد معاني الحديث. Donc il dit que cela est de deux sens. Cet énoncé est de deux sens. Le premier sens, qu'il suive une voie, il emprunte une voie pour rechercher de la science avec sérieux, et véracité et sincérité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala le accordera de sa grâce, pas la science. Allah dans le sens dit que nous avons certes facilité le Coran pour le rappel, alors qui se rappelle? Et dans le hadith Qudsi, il dit subhanahu wa ta'ala: celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et c'est ce qu'ils disent, et celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en m'accourant. Et alors, subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et il dit dans le sens, que si Allah sait que dans vos cœurs il y a du bien, qu'il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a su sa véracité, sa sincérité dans la science, alors la science elle-même est une voie vers le paradis. Dans le hadith toujours, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allahu lahu bihi. Ay bi hada as-suluk wa bi hada at-tariq tariqan ila al-jannah. Que par cette voie, cela sera une voie qui le mènera au paradis. Qala ta'ala: wal ladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Wa qala ta'ala: innal ladhina amanu wa 'amilu as-salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. وقال سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. Donc il dit dans le sens que ceux qui ont suivi la bonne guidée, Allah leur ajoutera de la guidée et leur apportera la piété. Et il dit dans le sens que ceux qui ont cru et œuvré de bonnes œuvres, qu'il les guidera, que leur Seigneur les guidera par leur foi. Et Allah dans le sens dit également que Allah rajoute de la guidée à ceux qui ont été droits. فكل من سلك العلم لله سبحانه وتعالى من الله عليه بالعلم وبالهداية والعمل به وهذا من طريق الجنة والمقصود بالعلم هنا علم الكتاب والسنة ما هو المقصود علم الدنيا فقد ذم الله الكفار على شغلهم بعلم الدنيا فالمقصود به هنا العلم الذي تنتفع وتنفع به في دينك. Donc toutes ces voies, toute personne ayant emprunté la voie de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la grâce par la science et par la guider et par les œuvres, c'est-à-dire l'application de cette science. Ça est une voie qui mène au paradis. Et le sens voulu ici, l'objectif, le sens voulu par la science, c'est la science du livre de la sunna. Et non pas la science des sciences mondaines. Les sciences mondaines. Car Allah a blâmé les koufars du fait qu'ils ne se sont préoccupés que des sciences mondaines. Donc là, c'est la science utile, celle par laquelle tu t'élèves et tu élèves autrui dans la religion. Al-Mana Thani, annahu in salakahu lillah subhanahu wa ta'ala wa fataha Allahu alayhi bihi min haythu yusahilu alayhi su'al fi qabr wa yusahil alayhi akhd kitabihi bi yamini wa yusahil alayhi umur al-akhira. Donc le deuxième sens, que celui qui emprunte cette voie pour Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera de sa grâce. Du fait qu'il lui facilitera l'interrogation, le test dans la tombe. La question dans la tombe. Man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk, man nabiyuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et également, il lui facilitera le fait qu'il pourra prendre son livre de passe à droite, qui lui facilitera beaucoup de choses dans l'au-delà. Fi sa'il al-umur allati an-nasu fiha fi dik wa haraj wa fi karb misl al-mawqif an yatuna ila al-anbiya min adam ila nuh ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kulluhum yashkuna kurbahum ala tara ma nahnu fi ala tara ma waqa'a bina fayusabuna min al-ham ma Allahu bihi alim. Donc, il y a même un hadith, Abi Huraira, un hadith, et Shafa'ati, et Tawil. وهو مذكور في صحيح البخاري عند قول الله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وذلك الذي سلك طريق العلم في نجاتي من ذلك. Également dans toutes les choses dans lesquelles les gens seront dans le besoin et dans toute peine et angoisse, comme par exemple le jour où les gens viendront se plaindre auprès des prophètes, dont Adam, ensuite Nour et Mohammed, de ce qu'ils subiront, afin qu'ils intercèdent pour eux, hein, pour obtenir l'intercession, et que chaque prophète renverra auprès de son congénère, en disant, c'est-à-dire les gens leur diront, ne voyez-vous pas ce dont quoi nous sommes, et ce que nous subissons, et ils auront dans une stress et une angoisse que seul Allah connaît, hein, une terreur que seul Allah connaît. Comme cela est venu dans le hadith long de la shafa'a, l'intercession. والويل كل الويل لمن سلك طريق العلم لغير وجه الله يدخل تحت حديث أبي هريرة في الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. Donc, et le plus grand malheur sera pour ceux qui auront emprunté une voie pour suivre la science sans rechercher pour autant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui entreront dans le hadith d'Abu Huraira, de celui qui sera mangé par le feu. Comme le hadith, Rajulun qara al-Qur'an wa 'allamahu fa yu'ta bihi fa yu'rifuhu Allahu ni'amah. Fa yaqulu ma 'alimta fiha, fa yaqulu qara'tu fika al-Qur'an wa 'alamtu fika al-Qur'an. Fa yuqalu kadhabta fa innama ta'lamta al-Qur'an wa qara'ta li yuqalu 'alim. Fa qad qil, thumma yu'maru bihi fa yushabu 'ala wajhihi fi an-nar. Comme cet homme qui a appris le Qur'an et qui l'aura enseigné, il sera convoqué devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui rappellera tous ses bienfaits, qui le reconnaîtra. Et il dira, qu'as-tu fait que ces bienfaits? Il dira, au Seigneur, j'ai appris pour toi le Coran et je l'ai enseigné pour toi. Il lui sera dit, tu as menti. Tu as seulement appris le Coran et tu l'auras enseigné pour qu'on dise que tu es un savant. Et cela a été dit. Donc il sera ordonné qu'il soit traîné sur le visage et puis jeté au feu. Et pareillement pour le Mujahid, fisabilillah, hein, et celui qui fait l'aumône, sadaqa. C'est la même chose. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. Que celui qui veut se faire entendre, Allah le fera entendre, c'est-à-dire en mal. Et que celui qui veut se faire voir, Allah le fera voir, c'est-à-dire en mal. تنقلبوا عليه الحال وينقلب عليه قصده يفدحه الله يريد أيضا أن يري الناس بعلمه فيبعده الناس وهو يريد أن يحب. Donc il dit que cette réputation causant sa perte, que la situation se tournera sous des avantages, elle se retournera contre lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dévoilera. Qui veut que les gens le voient par sa science, Allah fera en sorte que les gens le détesteront. Qui cherchera à être aimé, et en contrepartie de cela, Allah fera en sorte que les gens le détesteront. Wallahu musta'an. وسواء سلك طريقا يدرس فيها العقيدة الصحيحة أو يحفظ القرآن أو طريق السؤال عن العلم وطريق يدرس في حلقات الذكر أو طريق البحث أو طريق يسلكها يتحصل على علم علم فيها فهو سالك لطريق الجنة. Donc là il dit, maintenant, peu importe la voie qu'il emprunte, le menant à la recherche de la science, qu'il s'agisse des cours, de l'apprentissage de la vraie croyance, du vrai dogme, ou qu'il mémorise le Coran, ou qu'il questionne les gens de science, hein, ou qu'il assiste au cercle de science et de rappel, ou par les recherches. Quelle que soit la voie qu'il emprunte, toute voie par laquelle il obtient de la science rentre dans les voies qui mènent au paradis. Rentre dans les voies menant au paradis. Sa parole, قولهو ومجتمعكم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. Donc sa parole, des gens ne se sont pas assemblés dans une maison parmi les maisons d'Allah, parmi les maisons d'Allah, qu'ils y lisent le Coran, le livre d'Allah, et qu'ils étudient entre eux, sans que l'inquiétude ne descende sur eux, et qu'ils ne soient recouverts par la miséricorde, et que les anges les entourent, et que Allah les cite auprès de ceux qui sont près de lui. Hadi arba'u sifat لا تتوفر إلا في من جلس في مثل هذه المجالس في مثل هذه المجالس في بيت من بيوت الله. والمقصود ببيوت الله المساجد، وإلا فكل أرض أرض الله، ولكن المقصود بها المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يذكر فيها اسمه. وفي الحديث: أحب البقاء إلى الله مساجدها. Donc il dit, voici quatre caractéristiques qui ne se regroupent que chez les gens qui s'assoient dans l'autel d'assises, dans les maisons d'Allah, c'est-à-dire les masajid, les mosquées. Bien que toute la terre appartient à Allah. Mais ici le sens voulu par Bayt min Buyutillah, c'est les mosquées. Alors dans le sens dit, dans des maisons qu'Allah a autorisé d'élever, que son nom y soit cité. Il soit évoqué. Et dans le hadith, où il dit que les meilleurs lieux pour Allah sont les masajid. Et là, Cheikh Fawzen, par rapport à cette partie-là, qu'est-ce qu'il dit lui? C'est bien le mérite des masajid. Que le fait de rechercher la science dans les mosquées est meilleur que dans les autres endroits. Il fait allusion aux instituts, ou même les écoles. Il dit que tout ça c'est permis. Hein? Mais les meilleurs endroits qui ont le plus de mérite et le plus de récompenses sont les mosquées. Comme le hadith le stipule. Que ce soit université, que ce soit les écoles, que ce soit ceci ou cela, ou les lieux privés, rien ne vaut les mosquées. L'apprentissage dans les mosquées est ce qu'il y a de meilleur, de plus bénéfique, et la baraka est plus grande. La baraka est plus grande. Ensuite, il dit également: وَهَذَا يَشْمَلُ تِلَاوَةَ وَفَهْمَ وَتَدْرِيسَ وَتَدَبُّرَ إِلَى آخِرِ ذَلِكَ مما يشمل علوم القرآن الكثيرة، فالذي عليه بحمد الله أهل السنة داخل في هذا الحديث. نسأل الله من فضله. Donc il dit, par rapport au fait de lire le Coran et le d'étudier, cela englobe la récitation, la compréhension, l'enseignement et la méditation. Et cela englobe toutes les sciences du Coran, c'est-à-dire les sciences de la religion. Ce n'est pas forcément le tajwid ou le tafsir. Hein? Les sciences religieuses sont toutes comprises par ce hadith. Et que cela également, alhamdoulilah, est une grâce pour les gens de la sunna qui sont concernés par ce hadith. Car ils sont eux les gens qui apprennent dans les masajid auprès des ulama. Nous demandons à Allah de ces grâces. Ensuite, la dernière partie, le shir n'a pas parlé. Donc de là, je prendrai la partie de Cheikh Fawzen. La partie qui est وَمَنْ بَطَّأَ بِي عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَصَبُهُ. Que celui dont les actes ont été en retard, que son rang ne le rattrapera pas. الْعِبَارَ بِالْعَمَلْ لَا بِالنَّصَبُ وَلَوْ كُنْتَ فِي مِنْ أَشْرَفِ النَّاسِ مِنْ قُرَيْشِ وَمِنْ بَنِي هَاشِمْ أَشْرَفِ بَنِي آدَمْ وَلَكِنَّكَ لَمْ تُوَفَّقْ لِلْعَمَلْ لَنْ يَنْفَعْكَ النَّصَبْ. فَهَذَا أَبُو لَهَبْ فِي جَهَنَّمْ وَهُوَ عَمُّ رَسُولِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَهَذَا بِلَالٌ عَبْدٌ حَبَشِيٌ وَهُوَ مِنْ سادات السابقين والأولين. فالعبارة بالعمل لا بالنصب. فمن اتكل على نصبه فإنه يقعد مع الخالفين، ومن عمل صالحا صار مع المتقدمين. فالعبارة بالعمل لا بالنصب. Donc il dit dans ce sens là que ce qui est à prendre en considération ce sont les actes et non le rang de la personne. Même si tu es le plus noble parmi les plus nobles des gens, parmi les plus nobles et les plus élevés des gens en point de vue rang, parmi les gens de Quraysh, parmi les Bani Hashim, hein, qui sont de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou les plus nobles des fils d'Adam, cependant, tu n'as pas eu de tawfiq pour œuvrer, pour avoir des actes, des bonnes œuvres. Donc ton rang ne te sera d'aucune utilité. Ton rang ne te servira à rien. Par exemple, Abu Lahab est au feu, alors qu'il était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il regarde par exemple Bilal, qui était un esclave Habashi, alors qu'il est parmi les plus grands de ceux qui se devancent au paradis. Donc, ce qu'il y a à prendre en considération, ce sont les œuvres et non pas le rang. Et celui qui se base sur son rang sera assis avec ceux qui sont derrière. Alors que, quant à celui qui œuvre des œuvres pieuses, sera parmi ceux qui vont de l'avant. Donc ce qui est à prendre en considération ce sont les œuvres et non le nasab et non le rang. Donc il dit fa anta lan tadkhula al-jannata bil nasab ولو كنت من أشرف الناس وإنما تدخل الجنة بالعمل، ولو كنت من أقل الناس نسبا، ولو كنت من العجم فإن العمل الصالح يدخلك الجنة، فلا يجوز التفاخر بالأنساب والاحتساب ويظن أنها تنفع عند الله عز وجل. Donc il dit que toi, tu n'entreras pas au paradis par ton rang. Cependant, ce qui te permettra de rentrer au paradis, ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres. Et encore une preuve qui démontre quoi ? Que les actes font partie de la foi. Même si tu étais toi parmi le rang le plus bas, tu étais des gens de basse classe, comme on dit, tu étais même un non-arabe. Hein ? Ce sont seulement les œuvres pieuses qui te rentreront au paradis. Donc il n'est pas permis de se vanter de son rang, ni de sa classe, ou de sa descendance. En pensant que cela est une chose qui élève et qui est utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela est faux. Donc de là s'achève le hadith, qui était lui, qui est venu pour montrer le mérite d'aider le musulman dans le besoin, et le mérite de la recherche de la science. Que cela est une voie qui mène au paradis, dans les mosquées. La recherche de la science dans les mosquées, avec sincérité et véracité. Naam. بهذا القدر نكتفي ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.